الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre numéro 4, l'invitation au témoignage qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et nous avions cité hier le premier verset: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dit, voici ma voix. J'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. On avait donc dit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens de sa voie, du chemin sur lequel il est et la manière qu'il emprunte dans son prêche. C'est d'appeler les gens à la ilaha illallah, au tawhid, et cela avec clairvoyance, avec science. Et on voit dans ce verset que les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam en font de même. Ils appellent les gens à Allah, ils appellent les gens au tawhid, à la ilaha illallah, avec sincérité, avec science. Ils n'appellent pas à leur personne, mais ils appellent à Allah, tabaraka wa ta'ala. Après cela, l'auteur a cité le hadith d'Ibn Abbas. An Ibn Abbas, radiallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, لما بعث معاذا الى اليمن قال له. Donc le deuxième hadith est le hadith d'Ibn Abbas, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muad lorsqu'il l'envoya au Yémen. Arsala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Muadhan ila al-Yaman da'iyan ila Allah mu'alliman qadiyan wa waliyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Muad au Yémen en tant qu'enseignant, prêcheur, responsable, gouverneur et juge. Il a envoyé avec lui Aba Moussa al-Ash'ari. Il a envoyé avec lui Aba Moussa al-Ash'ari. Muad, radiallahu anhu, a été envoyé à Sana'a. Et Abu Moussa à Adan. Et cela a été durant le mois de Rabi'in al-Awwal, en l'an 10. En l'an 10, après Al-Hijra. Les savants ont divergé quant à son retour à Al-Madinah. Mais il n'y a pas de divergence sur le fait que lorsqu'il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu vas te rendre chez un peuple qui font partie des gens du livre. Ce qu'on appelle les gens du livre, ce sont ceux qui ont reçu le livre avant nous, donc les juifs et les chrétiens. Wa min huna bayaniya. Qala lahu hadha murshidan. Wa hadha yani arshadahu wa bayyana lahu hal al-mad'uwin liyasta'idda wa yatasallaha bil-'ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé de cela afin qu'il sache dialoguer avec eux. en prenant ses provisions, en s'apprêtant à avoir des ambiguïtés auxquelles il devra répondre. Il te faut connaître l'état de celui que tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir adapter ton discours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَا يُوَحِّدُ اللَّهِ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Dans une autre version du hadith, l'unification d'Allah. لَكَانْ تَقُولْ فَلْيَكُنْ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أول أو أول ثم تقول شهادة أو شهادة. إذن إما أن تقول أول فكون اسم يكون وخبره شهادة. أو تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة فأول خبر يكون مقدم وشهادة اسم يكون مؤخر. على كل حال يعني المعنى أنك تبتدئ في دعوتك إلى التوحيد بالتوحيد. Donc la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Dans une autre version, l'unicité ou bien l'unification d'Allah. يقول شيخ صالح سندي أحد أهل العلم بالمدينة: بحثت في الصحيحين فلم أقف إلى رواية بلفظ ما ذكر المؤلف هنا. Donc ce qu'a cité ici l'auteur, ce hadith, est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, dans le recueil de l'imam Muslim. Néanmoins, la version qu'il a citée ici, un des savants a dit qu'il ne l'a pas trouvée exactement comme cela. Donc peut-être que l'auteur l'a citée selon yani le sens rapproché. Wa nadid fi sahihayn falyakun awwala ma tad'uuhum ilay an yuwahhidullah wa fi riwayah falyakun awwala ma tad'uuhum ilay ibadatullah. وفي رواية فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاختلاف هذه الألفاظ تدل على أن السلف والصحابة كانوا يعبرون بما يدل على المعنى. فالشهادة تعني التوحيد، والتوحيد يعني عبادة الله وحده. هذا فهم السلف. Et avec ces différentes versions, on comprend que les compagnons et les pieux prédécesseurs comprenaient tous que le tawhid, ou bien que shahada, c'était tawhid. Et que tawhid, c'était adorer Allah Azza wa Jal uniquement et cela d'un culte sincère. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad: فإنهم أطاعوك لذلك وفي رواية فإنهم أطاعوا لك في ذلك أي بمعنى الانقياد فلا بد من التلفظ بالشهادة معتقدا معناها فمن لم يتلفظ بالشهادة ليس بمسلم بإجماع أهل العلم من قدر على التلفظ بالشهادة ولم يتلفظ بها لَيْسَ بِمُسْلِمْ بِإِجْمَعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Donc la première chose, c'est d'inviter les gens au tawhid, à dire « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Et la personne, tant qu'elle n'a pas prononcé cela, ne sera pas musulmane. La personne qui a la capacité, donc elle n'est pas muette, de prononcer le témoignage, tant qu'elle ne l'a pas prononcé, elle n'est pas musulmane. Donc tu n'invites pas les gens à faire la prière avant l'attestation de foi, ni le jeûne avant l'attestation de foi. Comme on peut le trouver. On trouve des gens qui commencent par la prière ou autre. Non, ils doivent commencer par le témoignage S'ils reconnaissent cela, acceptent cela, ensuite, on leur ordonne la prière. Donc, s'ils t'obéissent dans cela, donc acceptent le tawhid, prononcent cette parole, reconnaissent le sens de cette parole, alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières chaque jour et chaque nuit. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم مسلك الدعوة والتدريج في الدعوة والبدء بالأهم فالأهم. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم éduque Mu'ad et lui enseigne le chemin emprunté dans le prêche. Le chemin à emprunter dans le prêche, c'est le fait de commencer par être tawhid. Que les gens renient le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Puis reconnaissent que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Après avoir prononcé la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, on les invite à faire la prière. 5 prières de jour comme de nuit. Fat salah a'zamul ibadat ba'da ash-shahad. Donc la prière est l'adoration la plus importante après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ أَيْ آمِنُوا بِفَرْضِيَةِ الصَّلَةِ وَأَقَامُوهَا. Donc s'ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire reconnaissent le caractère obligatoire de la prière et l'accomplissent, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône, c'est-à-dire la zakat. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. Qui sera prélevée de leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Mu'ad une des catégories qui peut percevoir la zakat. Et de cela, on tire la permission de donner la zakat à une seule catégorie. À une seule catégorie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّحْذِيرِ وَكَرَائِمْ جَمْعُ كَرِيمَةٍ وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ وَنَفَائِسُهُ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: s'ils t'obéissent dans cela, évite les meilleurs de leurs biens. C'est-à-dire que lorsque tu prélèves la zakat des gens, tu ne dois pas prendre leur plus grande richesse, mais tu dois prendre dans le juste milieu. Sauf si la personne volontairement donne du meilleur de ce qu'elle possède. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم. الله المستعان. Et crains l'invocation de l'opprimé. أي احذرها وابتعد عن الظلم وأسبابه بل التزم العدل في معاملتك معهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: et crains l'invocation de l'opprimé. Fais attention. Éloigne-toi de l'injustice, de ses causes. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ أَخْرَجَهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donc, et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. C'est-à-dire, cette invocation monte chez Allah et Allah l'accepte. Même si la personne est injuste. Même si la personne est injuste. Si tu l'opprimes et qu'elle fait dua contre toi, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Akhrajah al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Afwan par l'imam Bukhari et l'imam Muslim dans leur recueil authentique. هنا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الخطة التي يسير عليها في دعوته، وبين له حال المدعوين يستعد للمناظرة ورد الشبهات، وبين له الأهم فالأهم أو المهمات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ بإصلاح العقيدة. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Mu'adh le chemin à emprunter dans le prêche, dans l'invitation des gens à l'islam. Il l'a également informé de l'état des gens chez qui il va se rendre, afin qu'il se prépare à adapter son dialogue et qu'il sache réfuter toute ambiguïté. Il lui a aussi expliqué qu'il lui fallait commencer du plus important vers l'important. Et la chose la plus importante est la purification de la croyance, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, la connaissance du plus grand bienfait qu'on puisse avoir, et tawhid. Puis la salat, puis la zakat. Il l'a mis en garde contre l'injustice. Munasabatul hadith lil bab anna awwala ma yud'a إليه الناس التوحيد التوحيد ولا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car dans celui-ci il y a l'appel et l'invitation des gens à la ilaha illallah au tawhid. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des gens pour aller appeler les gens, ou pour aller appeler les peuples à la ilaha illallah au tawhid à l'islam. Ma yustafad min al-hadith, mashru'iyatu irsali du'ati ila Allah. De ce hadith, on tire qu'il est permis d'envoyer des gens compétents pour aller appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mu'adh a reçu les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie des gens de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « A'lamu an-nas fil halal wal haram Mu'adh ». La personne la plus savante dans le fiqh, c'est Mu'adh. Et c'est connu que Mu'adh faisait partie des gens de science chez les compagnons. « Shahadatu an la ilaha illallah awwalul wajibat » La plus grande des obligations, c'est le témoignage. Et c'est la première chose à laquelle nous devons appeler les gens. Fi raddun ala ahli al-kalam. Alladhina qalu inna awwal al-wajib ala al-abd ash-shak. Qala ba'dhum an-nadhar. Hadhi 'aqidatun batila. Ma'na at-tawhid shahadatu an la ilaha illallah. On tire de ce hadith que le sens du tawhid, c'est La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. La yuhkam bi islam il kafir hatta yatalaffaz bi ash-shahada. On ne pourra juger qu'une personne est musulmane tant qu'elle n'aura pas prononcé l'attestation de foi. C'est-à-dire, on ne pourra pas juger d'une personne qui est à la base mécréante de son islam tant qu'elle n'aura pas prononcé l'attestation de foi. Ma'rifatu halil mad'uwin muhimmun jiddan. Le fait de connaître l'état des gens à qui tu t'adresses a la plus grande importance afin que tu adaptes ton discours comme nous l'avons cité. Al-badu bil aham fal aham. Le fait de commencer du plus important à l'important. Donc tu commences par at-tawhid, ensuite la salat, ensuite la zakat, wa hak. Et lorsque nous disons « tu commences par être tawhid », cela ne veut pas dire que tu en parles une fois, ou que tu fasses une ou deux khutbah, ou une ou deux conférences, et tu dis « c'est bon, j'ai parlé de tawhid », comme on a pu entendre par certaines personnes. « Ad-da'watu ila tawhid » doit commencer du premier jour où tu as appris tawhid, jusqu'au jour où l'ange de la mort vient récupérer ton âme. Pas moins que cela. Celui qui a compris que tawhid, c'est la clé du paradis. Celui qui a compris que tawhid c'est le plus grand bienfait par lequel Allah l'a comblé. Comment est-ce qu'il pourrait se contenter d'en parler une ou deux fois? Quand bien même les gens diraient de toi telle ou telle chose. Nous recherchons l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. et l'agrément de l'ensemble des gens est un but inaccessible. فارضى برضا الرب سبحانه وتعالى الصلاة أعظم واجبات أعظم الواجبات بعد الشهادة. Là, on tire de ces hadiths que la prière est l'obligation la plus importante après le témoignage, l'attestation de foi. Après elle, az-zaka. Ensuite, l'aumône. Min ahli az-zaka al-fuqara. On tire de ce hadith que parmi les ayants droit à l'aumône légale, la zakat, il y a les pauvres. Wa yajuzu l'ikhtisar alayhim. لا يجوز أخذ الزكاة من أحسن أموال الناس إلا برضاهم. L'interdiction de prendre des meilleures richesses des gens lorsqu'on prélève la zakat, sauf s'ils agressent. التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة. La mise en garde contre l'injustice et le fait que son invocation soit acceptée chez Allah. ولو كان عاصيا, même si celui qui invoque est un pécheur. Certaines personnes, parmi les gens de l'innovation, ont voulu utiliser ce hadith pour rendre légitime le fait qu'ils envoient des ignorants faire da'wah. Ils disent ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad pour faire da'wah. Alors nous, on envoie un tel et un tel et un tel et un tel. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi n'importe qui? Non. Il a choisi Mu'ad, le savant du fiqh. Il envoie également Abu Moussa, de qui il aimait écouter le Coran. Il n'a pas envoyé une personne qui n'était pas compétente. Contrairement à ce que eux font. Et subhanallah. Je vais me restreindre à un seul exemple qui s'est passé dans cette mosquée. Un matin, ba'da salat al-fajr, un frère s'est levé et a parlé. Ce qu'on pense de lui, c'est qu'il avait une bonne intention. Il voulait réconcilier entre ses frères qui s'étaient disputés. Et ceci fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah, réconcilier les gens. Et pour ce faire, il a utilisé des versets et des hadiths. Et quelle belle chose. Mais, en utilisant l'histoire de Moussa avec Pharaon, il a raconté que lorsque Moussa alayhi salam est parti, miqati rabbi, Banu Israël se sont égarés. Et Haroun était auprès d'eux. Lorsqu'il est revenu, il s'est mis en colère, comme vous le savez tous. Il a attrapé Haroun par la tête, par la barbe, et Haroun lui a dit, Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si, inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël. Jusqu'à la fin de ce passage. Donc Moussa alayhi salam, ou bien Haroun alayhi salam, a dit à Moussa, ô fils de ma mère, donc pour l'adoucir, il lui a rappelé le lien. Ne me prends pas par la barbe, ça c'est une preuve que les prophètes avaient la barbe, que c'est la sunna des prophètes, ni par la tête. J'ai eu peur que tu me dises que j'ai semé la discorde entre Banu Israël. Ça, c'est le Coran. Le frère, wafakahullah, a dit, vous connaissez le shirk? Le shirk, c'est très grave. Il a dit ça à ses interlocuteurs. Puis, il leur a dit, écoutez bien, ben, le fait de diviser les gens et de faire la fitna, c'est pire que le shirk. Car Haroun a laissé le shirk. Subhan al-Malik. Et il a fait devancer la fraternité. Une faute immense. شَيْءٌ أَكْبَرْ مِنَ الشِّرْكِ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَعْرِفْ مَا يَدْعُو. C'est une faute gravissime que de dire qu'une fitna entre frères est pire que le polythéisme. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Le shirk, c'est le pire péché, le seul qu'Allah ne pardonne pas. Celui qui meurt sur le shirk, il rentre en enfer éternellement et n'en sort jamais. Et le frère dit que une fitna entre deux frères est pire que le shirk. Pourquoi? Par ignorance. Quelle était l'intention? Le bien qu'on pense de lui, c'est de dire qu'il voulait les réconcilier, leur montrer la gravité de la discorde et l'importance de la fraternité. Mais regardez l'ignorance, où est-ce que ça fait tomber les gens? Donc, subhanallah, la bonne intention ne suffit pas. La bonne intention ne suffit pas. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et si ce n'était pas un manque de temps, on a récité beaucoup d'exemples du groupe égaré d'établir. هَدَانَ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ. وَمِمَّا نَسْتَفِيدُ في هذا الحديث أن الداعي إلى الله عليه أن يكون ذا خلق طيب. Le prêcheur doit avoir un bon comportement. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad ici, fais attention à l'injustice. Car en étant injuste, en ayant un mauvais comportement, tu peux éloigner les gens de la vérité que tu portes. Ça ne suffit pas d'être sur la vérité. Tu dois pouvoir appeler les gens à cette vérité, inviter les gens à cette vérité. Ils doivent avoir envie de venir vers cette vérité. Et si toi, tu as un mauvais comportement, ils vont penser que ce à quoi tu appelles, c'est ce comportement. Donc il faut faire attention. في هذا الحديث نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر على ثلاثة أركان من أركان الإسلام. ذكر الشهادة الصلاة والزكاة. فلماذا لم يذكر الصوم والحج؟ On remarque que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à citer les trois premiers piliers de l'islam. Mais il n'a pas cité le jeûne et le pèlerinage. Également, ماذا نعم. Les savants ont répondu à cette question, cette problématique de plusieurs façons. Et une des paroles les plus fortes est de dire: اختصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة لأنها أعظم الواجبات وأصولها العظيمة الظاهرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est restreint à ces trois premiers piliers, car ce sont les plus grandes obligations et les bases apparentes, les plus grandes bases de l'islam apparentes. وَمَنْ أَذْعَنَ لَهَا سَيُذْعِنُ لِغَيْرِهَا غَالِبًا. Donc celui qui accepte ces trois premiers piliers, qui sont les plus grands, les plus lourds, en général, il acceptera les autres. الشهادة التوحيد وترك العبادة لغير الله أمر شاق على نفوس المشركين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وقال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أما الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والزكاة ثقيلة لأن المال محبوب إلى نفوس ابن آدم. Donc le tawhid, c'est lourd pour les gens qui ont grandi dans le polythéisme et qui sont habitués à vouer le culte à plusieurs divinités. La prière se répète 5 fois par jour. Il faut être endurant, constant. Et l'aumône, c'est le prélèvement des biens. Et l'homme est accroché à son argent. Donc celui qui se soumet dans ces 3 choses-là, en général, aura plus de facilité à accepter la suite. قال المؤلف رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي. Il est mort en l'an 88 après l'Égypte. Il avait dépassé les 100 ans. هو صحابي بن صحابي رضي الله عنهما. Il fait partie des derniers décédés à Al-Madina. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yawma khaybar, donc Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, nous dit, d'abord, Al-Bukhari Muslim rapporte, aussi d'après Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar a eu lieu en l'an 7 de l'Égypte. La u'tiyanna ar-rayata ghadan jumlatun mu'akkada bi thalath mu'akkidat. Al-qasam al-muqaddar ay wallahi la u'tiyanna ar-raya wal-lam wan-nun. La u'tiyanna ar-raya al-'alam وهو ما يتخذه الأمير في الجيش أو أمير الجيش للعلامة على مكانه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar, je donnerai demain l'étendard. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Je donnerai demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son message. Et qui est aimé par Allah et son message. Fi ithbat sifat al-mahabbati lillahi subhanahu wa ta'ala sifatan fi'liyah. Fallahu yuhib. Wal-mahabbah nuthbituha min al-janibayn. Fallahu yuhib wa yuhab. Khilafan lil-mu'attilah. Min al-mu'tazilah. Wal-jahmiyah. Wa ghayrihima. الذين قالوا المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب والإنعام. De cela, on tire que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour. Donc Allah aime certaines choses, aime certaines personnes, aime certaines actions. يفتح الله على يديه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il donnera donc l'étendard à une personne qui a une qualité immense et qui a été comblé d'un bienfait immense, lequel on atteste qu'il aime Allah et son message et qu'Allah et qu'il est aimé par Allah et son message. Cet homme, c'est par cet homme qu'Allah nous donnera la victoire. هذا إخبار على وجه البشارة. Le prophète sallam donne une information, mais ici c'est pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire. البشارة بحصول الفتح وفي هذا أن محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله من أقوى أسباب النصرة سبحان الله. On tire de ce hadith que parmi les plus grandes causes du secours, l'amour d'Allah et de son messager صلى الله عليه وسلم. المحبة الصادقة, l'amour véridique, l'amour qui fait que tu remplis tes obligations, délaisses les interdits. L'amour qui fait que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas les prétentions. فبات الناس البيتوتة هي المكث في الليل سواء كان للنوم أو لم يكن. Lorsque les compagnons, radiallahu anhum, ont entendu cela, ils ont passé la nuit à discuter. Yadukuna, ils ont passé la nuit à discuter. Yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Donc ils ont passé leur nuit, ou la nuit, à discuter de celui d'entre eux qui va recevoir l'étendard. أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. Au matin, le lendemain matin, ils sont tous partis voir le prophète صلى الله عليه وسلم, chacun d'entre eux espérant être celui qui allait le recevoir. Donc très tôt le matin, ils se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacun d'entre les compagnons espérait être celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait appeler pour lui remettre l'étendard. Zallu laylan yatahaddathuna min duni nawm li'idami hadha al-fadl. Ils ont passé toute la nuit sans dormir la veille de la bataille, car cette annonce, ou bien car cette information les a occupés. Cette bonne nouvelle les a occupés. De quelle nouvelle je vous parle? Je vous parle pas de l'ouverture de Khaïba, mais d'avoir été le bien-aimé d'Allah et le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha hirsu as-sahabati 'ala al-khayr. Et dans cela on voit la motivation des compagnons pour avoir les meilleurs degrés et obtenir le bien. كأن هذه البشارة شغلتهم عن بشارة الفتح. C'est comme si cette information, c'est-à-dire qu'il y a un homme qu'Allah aime, que son messager aime, et cette personne aime Allah, aime son messager, cette information les a distraits de la bonne nouvelle de l'ouverture de Khaïba. Ils ne pensaient qu'à cela. Lequel d'entre nous va recevoir l'étendard? Lequel d'entre nous est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une chose immense, subhanallah. Lequel d'entre nous est le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et de qui est-ce qu'on a attesté qu'il a un amour véridique pour Allah, un amour véridique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hatta qala Umar radiallahu anhu, fama haristu ala al-imara illa yawma idh. Au point où Umar ibn al-Khattab a dit: je n'ai jamais été en quête de la responsabilité, si ce n'est ce jour-là. Omar ibn al-Khattab détestait les responsabilités car il savait qu'il allait être interrogé yawm al-qiyama sur cela. Il dit, c'est le seul jour où il aurait espéré être responsable. Pourquoi? Hein? Car ça aurait prouvé qu'Allah Azza wa Jalla l'aime, que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam l'aime, et que lui aime Allah d'un amour véridique, et qu'il aime le prophète Sallallahu alayhi wa sallam d'un amour véridique. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال فتطاولت إليه صلى الله عليه وسلم يومئذ. أي كان يحرص على أن يظهر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه. Et Omar nous dit, je venais devant lui. Ce jour-là, je passais devant lui. Pourquoi? Yani au cas où il m'a pas vu, au cas où il m'oublierait. Hein? Radiallahu anhu. Faqala, aina Ali ibn Abi Talib. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain a dit, où est Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib, ibn Ammi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa zawju Fatima. C'est l'époux de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khalifatu al-Rabi' al-Rashid. C'est le quatrième calife de l'islam. le père de l'Hassan et de l'Hussein, les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en l'an 40, après l'Hégire, il est mort assassiné par Ibn al-Muljam. Faqila huwa yashtaki aynay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc appelé et dit, où est Ali ibn Abi Talib? On lui a dit, il souffre d'une douleur aux yeux. جاء عند مسلم أنه كان أرمد الرمد مرض في العين. Donc il avait une maladie qui lui faisait mal aux yeux. فأرسلوا إليه فأوتي به. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens pour le ramener. Et ce qui est apparent ici, c'est que sa maladie le faisait souffrir et était lourde, car il a été escorté. Il a été accompagné. في رواية أن قائده كان سلامة ماذا سلامة ابن الأكوع سلامة ابن الأكوع فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع وهذا من أعلام النبوة. يعني شفئ وعوفية عافية كاملة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a postillonné dans ses yeux et a invoqué Allah pour lui. Il a guéri, comme s'il n'avait jamais souffert d'un mal. Et dans cela, il y a une preuve de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa annahu mubarakun wa anna barakatahu barakatan wa barakatun dhatiyya wa hadha khassun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yajzu laka an tatamassaha bi shakhs au ta'khudha min sha'ri au riqih wa ma ila thalik. Amma bin nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayati fa na'am fa ala thalika as-sahaba. Donc de cela on tire également que la Allah Azza wa Jal a rendu le messager sallallahu alayhi wa sallam béni. Et que sa bénédiction, contrairement aux autres, est une bénédiction corporelle. Une bénédiction dans son essence. C'est-à-dire, mada, sa salive, ses cheveux, sa personne était bénie. وهذه البركة تتعدى إلى الغير. Et cette bénédiction peut se répercuter par la permission d'Allah sur autrui. Et cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit, par exemple, de frotter quelqu'un en pensant pouvoir prendre de sa bénédiction. Hein? Le croyant a une bénédiction, mais cette bénédiction est, par exemple, dans sa science, dans son bon comportement, dans ses bons conseils et autres. C'est pas une bénédiction corporelle. Tu peux te frotter à lui ou prendre de sa sueur ou de sa salive ou autre pour te soigner, pour obtenir un bien. Non, tu n'as pas le droit de faire cela. Et Ali ibn Abi Talib a guéri par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, il y a une preuve par ce signe qu'Allah Azza wa Jal a donné au messager, que c'est véritablement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donc donné l'étendard. L'étendard, c'est ce que vous connaissez. On le donne au responsable de l'armée, ou bien ce dernier le donne à un de ses soldats, afin qu'on sache où il se trouve et que les gens se mettent autour de lui. فقال ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام هذا هو الشاهد ثم ادعوهم الى الاسلام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, avance avec prudence jusqu'à ce que tu arrives à leur place, c'est-à-dire proche de leur demeure. Ay imdi bila ajala. لأن المقام خطير والقوم أهل غدر حتى تنزل بساحتهم أي ما يقارب أماكنهم. جاءت في رواية أن علي رضي الله عنه قال أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك الحديث ثم ادعوهم إلى الإسلام في invite-les à l'islam. الدعوة إلى الإسلام دعوة إلى الشهادة، دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن أعظم أركان، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et informe-les de ce qui les incombe concernant le droit d'Allah. Et afin qu'ils entrent dans l'islam avec clairvoyance et sachent ce qu'il faut faire. La salat, la zakat et autres. Fi riwaya, inda muslim, an Abi Hurayra radiallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ali radiallahu anhu, imdi wa la taltafit. حتى يفتح الله عليك امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال أبو هريرة فمشى علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف وصرخ ولم يلتفت، ثم وقف وصرخ يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت، يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ لاحظوا الدقة في الاتباع. أبو هريرة قال ولم يلتفت. Dans une version du hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Ali ibn Abi Talib, donc rentre-toi dans ce peuple, avance et ne te retourne pas jusqu'à ce qu'Allah t'ouvre Khaybar. Abu Hurayra raconte le hadith et dit que Ali ibn Abi Talib a avancé. Ensuite, il s'est arrêté. Et il ne s'est pas retourné. Il a crié et le prophète sallam était derrière lui. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je les combats sur quelle cause? Et là, il lui a dit, appelle-les à la ilaha illallah jusqu'à la fin du hadith. Si c'est l'heure, vas-y. Pas de problème. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib d'avancer, de ne pas se retourner jusqu'à arriver à Khaybar et qu'Allah lui accordera la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit avance et ne te retourne pas. Abu Hurayra raconte et dit que Ali a avancé, puis il s'est arrêté. Il a crié au messager d'Allah sur quelle base je devrais combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pour le témoignage de la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. Ici on voit, subhanallah, comment est-ce que les compagnons aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment ils le suivaient minutieusement. Subhanallah. Il a voulu demander une chose qui a la plus grande importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il lui a dit ne te retourne pas. Alors pour lui parler, il est resté face à sa direction. Il a élevé la voix alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière lui. Et au jour d'aujourd'hui, tu t'adresses à des personnes et tu leur dis, Allah a dit cela, il faut faire comme cela et ne pas ajouter, ne pas enlever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Il nous a dit de faire comme cela. Et ils te disent, oui mais, oui mais, oui mais, et j'en passe. Subhanallah. Et ensuite, ils vont dire, pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Pourquoi est-ce qu'on répète le jour du Jum'a telle chose et telle chose et telle chose? Car on veut que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam ait la plus grande place dans nos cœurs. Car on veut que la religion d'Allah azza wa jal ait la plus grande place dans nos cœurs. Car on veut être sur le chemin sur lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la pire des choses et l'innovation, car elles corrompent la perception des gens quant à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle affaiblit les musulmans. Wala hawla wala quwwata illa billah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم ذكر أهله النبي صلى الله عليه وسلم عظم أجر الداعي وما به ينشط. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم lui a cité la grande récompense qu'Allah accorde au prêcheur afin de le motiver encore plus. فوالله لا أيهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. فوالله لا أيهدي الله بك ولم يقل والله لا أن تهدي لأن الهداية هداية التوفيق بيد الله وحده لا شريك له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah, en lui disant, je jure par Allah, si Allah guide par toi un seul homme, donc à l'islam, cela vaut mieux pour toi que les chamelles rouges. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit, si tu guides, mais lui a dit, si par ta cause Allah guide une personne. Car la guider des cœurs, le fait de permettre aux gens d'entrer dans l'islam, c'est pas par ta force, pas par ton éloquence, pas par ta science, mais tu ne restes qu'une cause. Et c'est Allah qui guide les cœurs. C'est Allah qui choisit d'honorer son serviteur par l'islam. Et l'homme, lui, est une cause. Il doit faire des efforts pour appeler les gens à Allah. Il lui a dit, cela sera meilleur pour toi que les chamelles rousses. Al-ibil, yani humr, yani al-humra. Que les chamelles rousses, car c'était la richesse la plus prisée des Arabes. Kanat anfas amwal il arab. Yaqulu Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ad-da'iyatu idha hasala ala yadayn, hidayatu rajulin wahidin, fadhalika khayrun lahu min anfasil amwal ad-dunyawi. فكيف إذا حصل على يديه أكثر من ذلك؟ Cheikh Salih al-Fawzan dit, le prêcheur, celui qui appelle les gens à Allah, si par sa cause, une seule personne est guidée, c'est meilleur pour lui que toutes les richesses de ce bas monde, que les plus grandes richesses de ce bas monde. Que dire alors s'il guide plusieurs personnes? Donc ici, on nous encourage à porter le message de l'islam autant que possible, et à inviter les gens à l'islam autant que possible. Et cela, les grandes récompenses ne sont pas réservées que à ceux qui ne sont pas musulmans si tu les fais entrer dans l'islam par la permission d'Allah. Mais même si tu guides un musulman à la droiture, à la sunna et autres, tu as une grande récompense. Ad-dalu ila al-khayr kafa'il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui montrera le bon chemin aura les mêmes récompenses que celui qui l'aura suivi. فتح الله عليهم خيبر على يدي علي ثم توالى بعد ذلك الفتوحات. Allah Azza wa Jalla a donc ouvert la ville de Khaybar ou une partie de Khaybar par la cause de Ali ibn Abi Talib, et ensuite les expéditions ont suivi. صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا عمالا له في الزراعة ولهم شطر مما يخرج من أهل الأرض. Au final, le prophète صلى الله عليه وسلم a donc pris Khaybar et s'est entendu avec eux pour qu'ils cultivent les terres et partager en deux ماذا ce qui sortira de la terre. L'auteur a donc cité ce hadith car ici on voit comment le prêcheur doit Mada appeler les gens, en commençant par At-Tawhid. Et on finit en disant Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on peut tirer de ce hadith, Fadilatu Ali ibn Abi Talib, le mérite de Ali ibn Abi Talib. Certains parmi les savants ont dit, c'est un de ses mérites les plus authentiques qui ont été affirmés. Le fait qu'il aime Allah et son messager, et qu'Allah l'aime ainsi que son messager. On tire de ce hadith l'affirmation de l'attribut de l'amour pour Allah. Qu'Allah aime et qu'il est aimé. La motivation des compagnons quant à l'acquisition des meilleurs degrés et la concurrence dans les bonnes actions. L'obligation d'inviter les gens à l'islam. Le mérite de la prédication et la grande récompense qu'Allah a préparée pour ces gens-là, qu'ils soient des femmes ou des hommes, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Dans ce hadith, il y a des signes que le prophète est le messager d'Allah réellement, car il a informé de l'ouverture de Khaybar avant que cela n'ait lieu. Et deuxièmement, lorsqu'il a invoqué pour Ali et a craché dans ses yeux, il s'est vu guéri par la permission d'Allah. La foi au destin. Car Ali ibn Abi Talib était malade. Et tout le monde a voulu avoir l'étendard et c'est tombé sur Ali ibn Abi Talib. Alors que lui n'a pas demandé cela. On voit le mérite des compagnons. Ils ont passé toute la nuit à discuter pour savoir lequel d'entre eux allait recevoir l'étendard et recevoir cette bonne nouvelle. Le fait de jurer lors de la fatwa, même si on ne le demande pas, pour appuyer les choses importantes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré avant de dire cette grande et bonne nouvelle. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira anna sayyiatina wa yatawaffana ma'al abrar. Allahumma nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma shfi maradana wa maradana al-muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradana al-muslimin. Allahumma shfi ummahatina. Allahumma shfi ummahatina. Allahumma shfi ummahatina. برحمتك يا أرحم الراحمين واشف آباءنا وأزواجنا وأخواتنا وأبناءنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين